après ces temps-ci, piste bien ton rétro. Ils font les bâtards, ouais, je les analyse trop. Ça me dit que j'en mets trop, que je deviens parano. Elle fait sa folle, elle aime les quatre anneaux. Ah, allô, il m'appelle des cellules. Il m'a dit à la SS, j'ai entendu la serrure. J'dis plus un mot, j'suis qui est sur la lune. Il m'a envoyé un texto demain sur au parlu. Les petits lèvent le stun, défoncé à la skunk. Ça démarre en deuxième, ça nique des bleus à la skate. Tentative de braquage, cagoulé à la poste. Ça s'en a parlé avec du nord dans le poste. Y'a des gars en quartier avec le coup, je me pense. On va se caler au bar, boire un coup avec Nessie. J'ai pris le numéro à la cervelle, j'l'ai pas noté sur la cime. C'est la galère à pim, faut le dernier S6. Wow, wow, j'partais charbonner. Faire de la monnaie, ouais, t'allais pas me la donner. Tu l'appelles le S, mais il veut te donner. Tu fais le déter que tu veux bétonner. Connais-tu cette life? Rafale de scorpion dans l'aile. Tu connais même pas cette folle. T'es là, tu me dis c'est ta hlèle. Ça craint ces temps-ci, piste bien ton rétro. Ils font les bâtards, ouais, je les analyse trop. Ça me dit que j'en mets trop, que je deviens parano. Elle fait sa folle, elle aime les quatre anneaux. Ah, allô, il m'appelle de cellule. Il m'a dit à la SS, j'ai entendu la serrure. J'dis plus un mot, j'suis qui sur la lune. Il m'a envoyé un texte, demain à ce reparlu. Sur là, il me prend les louscopes, sous Elistoff. Sur périscope, en train d'effriter le choc. J'suis calé au quartier, j'ai te perdu RH. Ça tire des freins, les pneus ils s'arrachent. Ça crie à ras, les guetteurs ils s'arrachent. Patrouille de civils, ils veulent te niquer ta rage. J'ai camouflé le morceau dans les tuyaux à lunettes. J'suis cramé des boulettes sur le sur, en fait ils m'ont niqué la conso. J'suis même pas en fumette, ils ont pété le réseau sans déclarer la recette. Y'a qu'un signe sur la plaque. Dehors tu fais le fou en promenade, ça te paque. Ça craint ces temps-ci, piste bien ton rétro. Ils font les bâtards, ouais je les analyse trop. Ça me dit que j'en mets trop, que je deviens parano. Elle fait sa folle, elle aime les quatre anneaux. Ah, allô, il m'appelle des cellules. Il m'a dit à la SS, j'ai entendu la serrure. J'dis plus un mot, j'suis qui est sur la lune. Il m'a envoyé un texte, demain à ce qu'on parle. Ça craint ces temps-ci.